Chapitre 9e. L'heure approche. Dans la soirée, il se rendit au cirque moderne et fit signe à Miss Eden qu'il voudrait bien lui parler. « Chez moi, après le spectacle, » lui répondit en passant près de lui, la plus belle des femmes de l'univers. À l'heure indiquée, Paulin Broquet, prenant les précautions nécessaires, pénétra dans la villa mystérieuse. Miss Eden le reçut comme toujours avec sa grâce délicieuse, mais elle gardait, malgré son sourire charmant, un air d'inquiétude, de préoccupation que sur le champ remarqua le détective. Lui-même gardait au front ce pli entre les yeux que ses amis lui voyaient au moment du travail, de la contrariété ou quand on lui grondait la colère. « Je crois, » dit-il à Miss Eden, « que l'heure va sonner, ou comme dans tous les bons drames, la justice se décide à frapper. » Miss Eden tressaillit. « Nous avons, l'un pour l'autre, assez d'estime, l'un dans l'autre assez de confiance, pour pouvoir parler à cœur ouvert, avant le moment décisif où sur cette horloge du droit tintera le premier coup de la punition, de la vengeance aussi. » Très pâle, Miss Eden écoutait le détective, qui, un peu solennel, lui parlait ce soir comme jamais encore il n'avait fait. Après quelques secondes d'hésitation, Paulin Broquet reprit. « Miss Eden, j'ai contracté envers vous une dette de reconnaissance que je sais ne jamais pouvoir payer complètement. Mais je fais de mon mieux pour, sinon m'acquitter envers vous, du moins, vous donner le plus possible d'avaloir. » Miss Eden, d'un geste charmant, lui coupa la parole. Cher ami, nous sommes tous les deux créanciers l'un de l'autre. Oublions nos dettes. Paulin Broquet reprit. Vous m'avez arraché à Zigomar, mais vous m'avez par contre enlevé Zigomar. Donc nous sommes quittes, dit-elle en souriant. Pas tout à fait. Maintenant j'ai l'intention de ne plus vous abandonner ce bandit, hein? Je sais la raison qui vous pousse, vous oblige à intervenir en faveur de cet homme. Miss Eden, machinalement, d'un mouvement d'instinct, jeta les yeux sur le bracelet d'or qui couvrait une partie de son admirable bras. « Oui, » dit Paulin Broquet, qui avait vu le mouvement. « Cela d'abord, puis ensuite, darling, darling, cet homme vous tient par votre enfant. Sa tactique est habile, et son absence de conscience, de scrupule, lui ont fait prendre cette garantie contre vous, ses armes contre moi. Une enfant, votre fille, my darling. Par l'enfant, il est maître de la mère. Il sait que moi je ne pourrais rien refuser à la mère de Darling, et toute sa force réside en cela. » Paulin Broquet alors déclara. « Désormais la puissance de Zigomar s'écroule. Cette raison n'existe plus, car je viens vous dire ce soir que je vais vous rendre Darling. » Miss Eden d'un bond vint à lui. Elle lui prit les mains nerveusement, les serra fortement. « Vous allez me rendre mon enfant ? » ?»« Oui. Je puis maintenant avec assurance vous le promettre. Vous aurez bientôt Darling auprès de vous. » Bientôt, bientôt ma fille, ma darling. Oh, parlez, ne me donnez pas de fausses joies. Dites-moi, mon ami, parlez, comment me rendrez-vous ma fille? Paulin Broquet donna les explications que Miss Eden attendait. Dans la nuit de l'explosion de la péniche, reprit-il, vous avez donné l'hospitalité à Zigomar et à son compagnon Thorntwig. Je n'ai pas à le nier. Dès la première heure, le lendemain, ils ont quitté, dans votre limousine, la villa et gagné Garche. Or, à Garche se trouve une charmante villa qui appartient à Zigomar. Il y a mis un brave homme de pasteur, Master Shipper, et sa digne épouse. Miss Eden pousse un cri. « Ce sont eux qui élèvent Darling ? Attendez, je vous prie, » dit Paulin Broquet. Les bandits adroits ont toujours un abri, un refuge ménagé chez des gens honnêtes comme ceux-ci, qui naturellement ignorent à quel chenapan ils ont affaire. Master Shipper et sa femme subissent le charme indéniable de notre forban, le soignent et le réconfortent affectueusement quand il leur arrive éclopé et fatigué. Zigomar passe chez ces braves gens dévoués, simples, bibliques, quelques jours, puis, remis, s'en va. C'est ce qui est arrivé ces jours-ci. Après l'affaire de la péniche, Zigomar a eu besoin de repos. Il s'est retapé et il recommence. Je ne vous apprends rien en vous disant que le coup de la sacoche est son œuvre. En vous disant encore que l'institut de l'American Surgeon, du dentiste qui dépouillait ses clients millionnaires grâce au Sleeping Cure, est de son invention. Les journaux ont parlé de cela et vous avez reconnu la facture, la main de notre héros, oui. Bon, eh bien voici où je veux en arriver. Jusqu'ici, pour vous, Miss Eden, à cause de Darling, Ziegemar pouvait m'échapper. Désormais, il ne m'échappera plus, parce que la raison qui faisait croire à ma maladresse et ma trop grande naïveté n'existe plus. Darling, darling, vous sera rendu. Quand ? Votre cœur de mère peut-il attendre encore 2 jours ? Il le faudra bien. Mais chaque heure désormais, puisque vous m'avez promis, ma darling, chaque heure va me paraître longue, comme un siècle. Paulin Broquet ajouta, il faut agir avec prudence. La maison est bien gardée, et sans que le pasteur puisse s'en douter, on le surveille. Et j'ai peur. On ne sait jamais. J'ai peur que si notre tentative ait été vantée, darling en ressente le contre-coup. Oh, ma pauvre enfant. Oui, soyons prudents. Cet homme est sans pitié. Cependant, il faut agir rapidement. Mes ordres sont donnés, le plan est arrêté, mes hommes sont prêts. Il n'y a plus qu'à agir au moment propice. Paulin Broquet donna alors à Miss Eden une enveloppe. Vous trouverez là-dedans, dit-il à la jeune mère, tous les renseignements qui vous permettront de trouver la villa, de la reconnaître, et le moyen d'arriver jusqu'à l'honorable Master Shipper. Vous y verrez également ce qu'il vous faudra faire pour, de votre côté, agir avec mes hommes, les suivre, les seconder. Miss Eden demanda. Mais pourquoi me donnez-vous ces documents? Ne pouvez-vous m'emmener avec vous quand vous ferez cette tentative? Non, Miss Eden. J'ai précisément, par un fâcheux contretemps, 2 devoirs à remplir en même temps. Un qui m'est cher entre tous, celui-ci, vous rendre darling, et un autre, que viennent de me confier mes chefs. Paulin Broquet ajouta. J'espère que la seconde mission me donnera le temps de tenter l'enlèvement de Garche. Je dois surveiller l'expédition d'un convoi de valeur, une caisse de pièces d'or, premier envoi de 1,000,000 que le gouvernement fait expédier en Turquie. Ce pays a réalisé en France un emprunt. Il lui faut l'argent immédiatement. Je dois accompagner ce premier envoi dont malheureusement la presse, trop bien informée, a parlé. Vous partiriez? Sans doute. Bien que ce soit un emprunt à fonds perdus, il faut que ces fonds arrivent à bon port. Les usines allemandes attendent cet argent français pour faire la livraison de bateaux, d'armes et de munitions. Mais je crois que l'envoi sera retardé de 2 jours. Alors, dans l'intervalle, j'irai. Il faudra même que j'aille chercher Darling. Parce que, demanda Miss Eden. Parce que Ziegemar, comme tout le monde, a lu les journaux. Vous croyez qu'il essaiera de voler cet argent? J'en suis persuadé. Mais il ne le volera pas. Cette caisse n'aura pas le sort de la sacoche de l'encaisseur. C'est pour cela qu'il faut, avant cette expédition, que Darling soit entre mes mains, dans les vôtres. Miss Eden ne demanda plus rien. Elle donna au détective un fort shake-hand. 2 jours encore, fit-elle seulement, quand Paulin Broquet prit congé d'elle. 2 jours, et j'aurai ma Darling.